Très peu d'entre nous commettent un suicide. Et la majorité d'entre nous s'autodétruit. D'une certaine manière, à un certain moment dans la vie, on boit, ou on fume, on met en péril un boulot en or ou un couple des plus heureux. Mais on ne décide rien. En fait, vous êtes peut-être plus apte que moi à expliquer ce phénomène. Ce phénomène. J'ai vu descendre l'ange, plus jamais vous ne m'éteindrez, c'est sûr. Je l'ai senti comme je te vois, il est venu libérer mes poignets. À ceux que cela dérange, nous briserons vos murs. Il m'a parlé comme je te parle, il est descendu pour me soigner. Je réponds à l'appel de l'aveugle, nos âmes et nos pouvoirs sont indissociables. Comme l'abeille et la fleur, comme l'assurance et la peur. L'angoisse, la plénitude, le froid, la canicule, spirituel sont nos labeurs. Il est venu sous forme de femme, il n'y avait qu'à demander. Puis j'ai entendu son cœur, compris que le temps n'était qu'un battement d'aile. L'amour pur que l'on arpente est un ascenseur céleste, une force sainte comme celle d'un Black Panther. Ici-bas, beaucoup de blessures et peu de soins. Dorénavant, je ferme les yeux pour rejoindre l'espace. Tant que l'humain vivra la beauté comme un besoin, il s'empêchera lui-même de reconnaître l'extase. Elle a marché auprès de moi, inconsciente de sa belle voix. Fait disparaître le brouillard que la peine voile. Elle a marché auprès de moi, oui, inconsciente de sa belle voix, hein. Elle m'a touché en pleine foi. La fleur de nos désirs n'en est pas le fruit. Hier j'ai entendu le chant d'une flamme libre. Elle me racontait que l'univers n'a pas pris, qu'il suffisait de savoir pour ressentir que nos âmes vibrent. Nos missions sont de réveiller autant de clones que possible, car matériels sont nos prisons. J'ai vu ses rires puis ses sanglots, l'amour que je peaufine. Spirituel, mes physiques sont mes frissons. Et si mes poils se dressent, c'est que son regard me percute. J'admire tout ce qui me blesse depuis que je ne perds plus. Son âme est divine, son esprit laisse passer les fréquences éternelles qui perdurent. Nous sommes des messagers qui perturbent. Ne sens-tu pas que les nuages ne cessent de s'épaissir? La vérité de l'eau bouillante sur une tigresse. Verser des larmes n'est que pleurer, ce qui fut un plaisir. J'ai retrouvé la joie en fouillant dans la tristesse. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas, je ne possède rien. Ni mon toit, ni mon corps. Elle m'a ouvert à l'absolu, elle le détient entre ses mains. Reparti comme elle est venue, en faisant de ma plage un port. Et peu importe, je l'ai compris, l'infini m'a appelé. Notre monde s'assombrit, donc la lumière m'a happé. Perdu mal et complice, donc l'infini m'a rappelé. M'a dit ce qu'il faut que j'accomplisse. Bientôt les anges vont frapper, bientôt le ciel sera orange. Les montagnes nous allons gravir, magie noire contre blanche. Nucléaire contre navire, à toutes ces âmes que l'on débranche. Ces corps ultra vides, descendre, renaître à la branche. Oui, puisque tout gravite. Je t'ai lu comme un grimoire. Je t'ai lu comme un grimoire. Je t'ai lu comme un grimoire. Nos yeux des trous noirs. Tu es mon éternel ange de bord. Et si un jour je ne te trouve plus dans le miroir, je te rejoindrai dans l'angle mort.